pour louer mon Dieu. C'est pas bon ou pi bon passer l'autre là qui couche yon côté, mais c'est grâce bon Dieu frère. Alléluia, levez campé pour chanter. Alléluia, du Seigneur. Alléluia, balancez blanc pour louer. Alléluia, Jésus bien vivant. Jodi a gè ou content ou ap danser, ou ap voler ou ap chanter. Dormi tellement la paix souffrir. Alléluia, levez campé pour chanter. Alléluia, du Seigneur. Alléluia, balancez bien pour louer. Alléluia, Jésus bien vivant. Jodi a ou ta wè ou tande, ou ka pale ou ka respire. C'est pas bon ou pi bon passe yon lot ki nan yon oxygène pour li ka respire. Je fais pour vous, par contre à tous. Balancez-moi, on vous dit mon Dieu merci pour tout ça, je fais pour vous. Vous sentez que le bas, seulement c'est déjà son richesse. C'est au supérieur que on l'aime. C'est grâce mon Dieu que sous nous, qui faut j'en y est là. C'est pas l'heure d'appuyer. Chaque dimanche, on choisira doubler. Pour qu'à vivre l'église bien habillée. C'est pas bon ou puis bon passer. Une soeur qui pas capable sortir parce qu'elle n'a pas gain soulier. Béni soit l'Éternel. Alléluia, balancez bien pour louer. Alléluia, Jésus bien vivant. Chaque année, vous choisissez voyager. Allez visiter pays où vous voulez. C'est pas bon ou pi bon passer, frère, ou ça qui fait en Haïti, qui pas contre porte au coin. Alléluia, levez campé pour chanter. Alléluia, du Seigneur. Imaginez tout ça, mon Dieu, frère. Où est-ce qu'il n'a pas mérité l'ouange?